بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره مكتفما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا في الدرس السابق وكورس سيدان الأصل الخامس لسانكيم فرمانكيه نعم نعم الفرق بين الأولياء ومن تشبه بهم نعم فمن هم الأولياء سكي الأولياء المؤمنون الصالحون نعم كم تجي يعني تؤمن من سولي من أولياء الله عز وجل تم الله ولي الذين آمنوا كما قال سبحانه وتعالى et ce qui est voulu dans ce fondement là c'est l'atqiya يعني parmi الأولياء qui est pour ceux qui sont at-taqwa كما قال سبحانه وتعالى تمام على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا donc ils ont اصل الايمان وكانوا يتقون ils ont استقامه في دين الله عز وجل الطاعه والمتابعه فهؤلاء هم الاولياء هؤلاء هم الاولياء et il y a ceux qui se qui prétendent faire partie des اولياء يتشبهون بهؤلاء Et ils peuvent utiliser pour cela les intermédiaires comme la sorcellerie, comme le sihr. Hadaf al-haqiqa, ce n'est pas une raya, ce n'est pas un but. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mis sur terre pour faire des tours de magie, pour faire amuser la galerie. Lakin, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika. Ce n'est pas une raya. Tout cela, ce n'est pas une raya. Lakin, si jamais l'insan est à l'istiqama, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuquhu, ba'd al-niham, et certaines choses qui sortent du normal et du commun, Fahadas Mimbab al-Karama. Il a voulu l'honorer par rapport à cela. Lakin, ce n'est pas un but en lui-même. Fahadas Mimbab al-Karama, par rapport au Karama de Awliya, ils disent Al-Muttaqi Fidalika, là, ils ne cherchent pas à les avoir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne et qui lui fait honneur. Il ne demande pas dans ses doigts qu'il lui fasse faire des choses qui sont surnaturelles et tout. Il ne demande pas cela. Parce que ce n'est pas une raya, c'est pas un but. Le but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais on voit des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels, qui ne sont pas à l'istiqama, c'est des awliya shaitan. C'est awliya shaitan. Comme nous, on avait au Yémen des personnes qui arrivaient à voir la nuit. Qui arrivait à voir la nuit. Il y avait certaines personnes qui étaient connues à Kitaf qui arrivaient à voir la nuit. Ça, c'est même Bab al-Karama. C'est même Bab al-Karama. Et ça ne prouve en aucun cas que cette personne-là est mieux que les autres. C'est juste une karama. Comme Al-Mal, c'est une karama. Allah subhanahu wa ta'ala, il faddil ba'd al-nas ala ba'din, par l'argent, mathalan, par la santé. Et celui qui a plus d'argent, c'est pas pour cela que c'est comment s'appelle le plus pieux auprès d'Allah Azza wa Jal, celui qui a la meilleure santé, c'est pas pour cela que c'est le plus pieux auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hada fi al-haqiqa la yadul ala shay, innama huwa farah, yafrah ni'matun min ni'am Allah Azza wa Jal, lakin al-farah kull al-farah bi din Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bi fadli Allah wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahun huwa khayrun mimma yajma'un, fa din Allah Azza wa Jal, et comme l'a dit Cheikh d'Islam, si jamais la personne allait sur l'istiqama et meurt sur cela, ça c'est la plus grande des karama. Encore plus grand que ses pouvoirs surnaturels, comme il le dit en français. Ça c'est la plus grande des karama qu'Allah subhanahu wa ta'ala et t'adana sabbat fi din, jusqu'à ce que tu meurs. Yani hada c'était bel khalasa, parce que soit la personne se fait avoir et se fait duper par une personne qui a du ilm, ou bien par une personne qui a de la dévotion dans l'adoration. Il le voit dans l'adoration, il veut le prendre comme exemple. Fait le haqiqa, c'est une personne qui est plein de mukhalafat et de bid'ah. Ou bien il a des pouvoirs surnaturels et il pense que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé au-dessus des autres, par ce pouvoir-là, et il le suit aveuglément. Ça, c'est important de faire la différence entre eux, les charlatans et ceux qui sont, à l'istiqama, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. C'est karamat là, ça c'est important, c'est un asl qui est muhim jiddan, et beaucoup de gens se sont fait avoir par rapport avec les soufis, parce que ça c'est le fondement là, quand ils sont dedans, les soufis, ça c'est le fondement dans lequel ils s'appuient dessus, on a des pouvoirs, on a ceci, cela, donc il faut nous écouter, il faut nous obéir, il faut nous suivre. Faza c'est un rad à la soufie. Qala rahimahullah, donc là inshallah on attaque le dernier, fondement le sixième. Qala rahimahullah ta'ala al-aslu sadis, rad al-shubhat illati wada'aha shaytan. في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فردا حتما لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. ها هنا ذكر هو رحمه الله تعالى في هذا الأصل السادس يعني تلك الشبهة الخبيثة التي مقتضاها le fait de s'écarter du kitab de la sunna et d'être muqallad, de suivre aveuglement, c'est-à-dire ne pas faire les efforts pour essayer de comprendre la religion. يعني دائما se reposer on va dire sur les acquis des autres et ne pas faire l'effort d'apprendre dans la religion. Pourquoi? Parce qu'il dit celui qui peut se permettre يعني de comprendre le kitab et la sunna, c'est une personne qui dont on doit retrouver يعني dans sa science يعني beaucoup de matière, la connaissance du Coran, la connaissance de la sunna, la connaissance de Awsaf, comme il a dit, peut-être qu'on ne retrouve même pas chez Abu Bakr ou Omar. Ils évoquent yani, certaines conditions yani, pour devenir mujtahid, yani, c'est-à-dire pour devenir un alim, des conditions que fait le haqiqa, lorsque tu regardes, tu ne les trouves pas yani, fi khiyar hadhihi al-umma. Fahada, yani, c'est une shubha et c'est un kayd yani, pour écarter les gens de la science. Et pour yani, que ces gens tombent entre les mains de ces ulama as-su, ou bien ces awliya qui prétendent yani al-wilaya fi Allah azza wa jal, afin que l'insan il ne puisse pas yani par lui-même distinguer le vrai du faux. S'il veut devenir alim ou bien s'il veut devenir talib al-ilm, ils vont lui dire non, ça c'est pas pour toi. Pour arriver à ce stade-là, il faut ceci, cela, ils vont le décourager. Ils vont le décourager. Tout ça c'est fait pour que l'insan il reste dans le taqlid, dans le suivi aveugle et dans la prise des points de vue des personnes, c'est tout. Il n'a pas la possibilité de pouvoir avoir une connaissance de la religion, et ça c'est complètement faux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a exhorté à l'apprendre dans la religion, comme fi qala subhanahu wa ta'ala wa qul rabbi zidni ilma, et dit et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me rajoute en science. Wa qala an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لا شك ولا ريب فيه ما من مسلم إلا وهو يريد الجنة tout مسلم qui connaît les bienfaits du jannah et les ni'am qui attendent qui sont dans le jannah, il va vouloir yani faire les asbab pour cela. Et si on lui dit t'as le choix entre aller au paradis avec une tariqa dans laquelle il y aura une souhouba, il y aura une difficulté, ou bien prendre, comment ça s'appelle, une route pour aller au paradis, et celle-là sera facilitée. L'achak wa l'arribafi va prendre la deuxième option, c'est-à-dire la facilité. Et ça, c'est tout le monde. Fabayyan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hahuna un sabab qui va faciliter l'accès au paradis. Fahuwa talab al-ilm. Faqala man salaka tariqan. Celui qui emprunte un chemin. Yaltamisu fihi ilman. Il recherche à travers cela la science. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala va faire de cet intermédiaire-là une issue facile et facilité yani, pour qu'il rentre au Jannah. Donc ça montre que c'est une exhortation à apprendre la science. Et ça c'est pour jami' al-umma. Wa kadhalika qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ad-din. Toute personne veut le khayr. Toute personne veut le khayr. Il n'y a pas un musulman qui va dire je ne veux pas le khayr. Fa min asbab al-khayr le fait de talab al-ilm. Tam. Qala subhanahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yufaqqihu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne al-fiqh fi din, c'est-à-dire al-science et l'ilm, al-nafi' wa al-amal al-salih. La science est al-amal. Tam wa al-adilla fi dhalika kathira, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajat. Kadhalika, c'est une aya qui exhorte à apprendre la science, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il élève en degré. Alladhina amanu et ceux à qui la science a été donnée. Donc toute personne qui lit ce verset-là, il va essayer de faire, inshallah, l'asbab pour rentrer dans cette ayah-là. وَمِنْ ذَلِكَ طَلَبِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. الأصل في الإنسان سي الجهل. والله سبحانه وتعالى قد ذم على ذلك سلوكي يبقى في الجهل. وكان الإنسان ظلوما جهولا. يعني الأصل فيه سي الجهل. Il faut qu'il fasse ses efforts, يعني pour qu'il apprenne dans sa religion. أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. N'est-il pas venu le moment, yani pour les gens de foi, que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ibn Mas'ud, il a dit, cette ayah-là, elle est descendue 4 ans après Al-Dukhul, yani, fi l'islam. Et lui, il est parmi les awwalin, yani, fi l'islam. C'est parmi les premiers qui sont entrés dans l'islam. Yani, pour dire que l'insan, lorsqu'il rentre dans la religion, il doit faire les efforts, yani, pour apprendre sa religion et ne pas rester et stagner, yani, sur l'ignorance sur laquelle il est. Balhaza, c'est menal khatar. Parce que l'insan, il faut qu'il nettoie son cœur. Il faut qu'il voit est-ce que est resté dans son cœur, yani, shu'ab min al-jahiliya, des choses, yani, parmi umur al-jahiliya. Wa min dhalika al-hadith, hadith al-zat al-anwat. Tamsu, yani, al-hadith al-ma'ruf, yani, fi kitab tawhid. Yani, lamma marru bi shajara, fa ra'au al-mushrikina yu'alliquna aslihatahum bi shajara. Tam faqalu, ya Rasulullah, ij'al lana zat anwatin kama lahum zat anwat. Tam. Il a demandé, ils ont demandé au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il légifère dans la religion, il y en a ce genre de procédé, c'est-à-dire d'accrocher les armes sur un arbre, afin de pouvoir avoir la baraka. Ils pensaient que c'était un sabab et un asbab. Ils ont demandé, avant cela, que Nabi sallam, il légifère cela. Ils ont pensé que ce que faisaient les mushrikoum, c'était bien. Et que ce serait bien aussi que ce soit légiféré dans la religion. Les ulama, ils ont dit ça nous montre que l'insan, lorsqu'il est, yani, parce qu'ils étaient qarib, yani, ahad ibn al-kufr, ils venaient de rentrer dans l'islam. Fa, vu qu'ils venaient juste de rentrer dans la religion, certains de ces déchets-là, ils étaient encore, yani, certains des mauvaises pensées qu'ils avaient de fil jihadiyya, ils étaient encore là. Et les ulama, ils ont dit ça montre que l'insan, lorsqu'il rentre dans la religion, il faut qu'il fasse des efforts pour connaître sa religion. Et pour savoir, yani, est-ce que son cœur a été bien purifié, يعني du kufr. Parce qu'Allah dit فَمَا يَكْفُرْ بِالْتَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Fait le kufr بِالْتَّغُوتِ, pour pouvoir, yani, avoir le kufr بِالْتَّغُوتِ, il faut l'aim de savoir qu'est-ce que التَّغُوتِ afin de s'en écarter. Tout cela, yani, ça nous montre que l'insan c'est madhmoum si jamais il n'apprend pas. La shakwa la raïba fi, il y a des choses qui, c'est pas tout le monde qui, c'est pas toute personne qui pourra atteindre, yani, le niveau des ulama, lakin la bouddha qui fasse l'effort dans la religion d'apprendre. قال ابن مسعود قال ابن مسعود معاذ بن جبل قال تعلموا فإنه لا يولد رجل عالمة. Il a dit apprenez la science car il y a personne qui naît avec la science, c'est-à-dire qu'il faut faire les efforts. Il y a le hadith qui est venu sur cela, mais le hadith est ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم. La science, il y en est par l'apprentissage. La science elle est par l'apprentissage, il y en est, ça descend pas. Comme cela, il faut faire les efforts, il faut faire les asbab, yani, pour pouvoir avoir la science. Enfin, ce n'est pas tout le monde, c'est clair et net qui va pour. Hein? Ibn Mas'ud, je crois. Hein? Ibn Mas'ud. Dans le Mus'annaf de Ibn Abi Shayba. Non, c'est Ibn Mas'ud. Radiallahu anhu. Kama fi Mus'annaf l'Ibn Abi Shayba. Bi sunnat d'un sahih. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. نعم بهذا الله. إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. L'homme n'est pas, يعني, عالما avec la science, وإنما العلم بالتعلم. Et la science selon l'apprentissage, يعني. La référence est 26123. مصنف ابن أبي شيبة. C'est le cheikh de l'imam muslim رحمه الله. Al-Muhim, yani, ce Adil-Lana, elle nous montre que Al-Insan, il doit faire l'effort d'apprendre dans sa religion. Al-Insan, il doit faire l'effort d'apprendre dans sa religion. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plutôt dit al-Hadith vitalika, talab al-Hilm, faridun ala kulli muslim. Talab al-Hilm, faridun ala kulli muslim. Ala al-Hadith, fima adhkur, ana l'imam Ibn Abdelbar, rahimahullahu ta'ala, fi jami' bayan al-Hilm wa fadlih, yani, bayana huwa rahimahullahu ta'ala, anna hada al-Hadith, anna la yathbut. Que le sanad de ce hadith-là, il n'est pas sabit, lakin, elle a hamalu alayhi. Tam ajma'u l'ulama. Les ulama sont tous unanimes que talab al-ilm, c'est wajib. C'est-à-dire qu'on peut trouver un hadith qui est da'if, lakin, par rapport au sanad, lakin al-ma'na sahih. Les ils viennent, ils sont tous unanimes par rapport au sens de ce hadith-là, comme c'est le cas ici. Talab al-Hin fardidatun ala kull muslim. De ce que je me rappelle, il avait évoqué que ce hadith-là, ma yasbut naham. Fidama bayan al-Hin wa fadlihi. Al-Muhim. Fahad al-Hadith, tam yubayin bayan anwa diha que talab al-Hin c'est une obligation. Donc ça, c'est une réfutation par rapport à cette qaïda-là et par rapport à ce as-là, le fait de dire que. La science, elle n'est pas accessible. Si jamais c'est une chose qui est obligatoire à l'individu, ça montre que toute personne est capable de le faire. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait restreint yani, l'obligation. Il n'aurait pas yani, comment ça s'appelle, rendu global. Là, ça montre que talab al-ilm, c'est accessible. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas obligé, mais on ne l'aurait pas obligé à toute personne. Et ce qui est voulu dans talab al-ilm, yani, al-wajib, c'est des choses dont il a besoin. Les choses dont il a besoin au quotidien. Et l'insan, il a besoin du tawhid. Il a besoin de la haqida. Il a besoin de connaître la salah. Il a besoin de connaître yani, la siyam lorsque vient le moment de siyam. Il a besoin de connaître yani, ahkam al-talaq. Si jamais il a besoin de talaq, ahkam al-nikah, si jamais il veut se marier. Et ainsi de suite. Yani, les choses dont il a besoin dans sa religion, plutôt dans son quotidien, il se doit de les connaître. Il se doit de les connaître. Surtout tawhid et ces choses-là. Surtout le tawhid, yani, parce que c'est la base de la religion. Et si jamais l'insan, il a un tafot, il a un tafrit, il ouvre une porte, yani, au kufr, yani, à la nafsi. Et si jamais il n'a pas fait les efforts pour savoir est-ce que son cœur est purifié des déchets du shirk, fafil haqiqa, il pense qu'il est fil iman, et en vérité, il n'a pas, ma kafara bit tarot kama yanbari, parce qu'il n'a pas étudié qu'est-ce que tarot et qu'est-ce qui, yani, annule la religion, ceci et cela. Il se doit de connaître, yani, ces premières choses qui sont obligatoires. Et il y a des choses qui lui sont obligatoires, lakin qui ne sont pas au quotidien. Comme le siyam en Ramadan, ce n'est pas au quotidien. Mais lorsque vient Ramadan, il faut qu'il apprenne l'ahkam en Ramadan. Et si jamais il n'a pas la capacité pour cela, il faut qu'il demande. Ahl al-ilm. Amma les choses dont il a besoin au quotidien, il se doit d'apprendre. Ahkam al-salah, il se doit de les apprendre. Parce que tous les jours, il prie. Il ne peut pas se permettre de venir et faire le takbir. Au hasard, il prie. Hala la yajuz. Toutes les choses dont il a besoin au quotidien, cela, il doit les connaître et par cœur. Il doit les connaître par cœur. Et il doit faire l'effort d'apprendre, ou si jamais il n'a pas la capacité, donc, dans ce cas-là, il demande à Ahl al-Hilm. À moins de dire que l'accès à la science, elle est fermée, qu'on est obligé de demander à Ahl al-Hilm, parce que personne ne peut comprendre la religion excepté Ahl al-Hilm, fahala li sabi sahih. Ahl al-Hilm, avant de devenir Ahl al-Hilm, ils étaient comme nous. Ensuite, ils ont fait des efforts, ils sont devenus ulama. Fahada, c'est pas sahih. Yani, c'est pour appeler, pour enterrer la religion. Parce que si ces ulama, ils meurent, et la mort de la science, c'est par la mort des ulama, comme Jafil Hadith. Si ces ulama, ils meurent, vers qui on revient? Donc c'est obligé qu'il y ait un tajdid, il faut que, après, yani, dans chaque génération, on trouve, yani, une succession yani, de personnes qui vont donner la religion pour les personnes qui sont un peu feignantes, qui n'apprennent pas. Ou bien la personne qui a besoin du muallim. On a besoin des mufti, on a besoin kadalik al-muallim. Le muallim pour que la personne devienne lui aussi kadalik al-muallim ou bien alim. Et le mufti pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire talab al-ilm. Enfin, on a besoin du mufti du muallim. La buddhamin. Fahad, c'est un cause qui est batil, c'est pour enterrer la religion. Parce que la mort de la religion, c'est par la mort des ulama. Et s'il n'y a personne qui fait les efforts pour atteindre ce stade-là, ben c'est la mort de la religion. Kama ja fi al-hadith. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut retirer la science, il ne la retire pas des comment s'appelle des cœurs. ينتزعه من العباد, il la retire pas des gens. Lakin, pour vraiment enterrer la science, Allah subhanahu wa ta'ala prend les âmes des ulama. Walakin yaqbil al-ilm biqabdil ulama. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut enterrer la science, il le fait par l'intermédiaire de la mort des ulama. Naham. قال حتى لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Ça c'est la natija de cette choubette-là. Afin de ne pas revenir aux ulama, afin de ne pas faire les asbab pour devenir mu'allim ou bien comment s'appelle ulama. Fait le ulama, il meurt, un par un, et ensuite on ne retrouve plus personne dans la société, et les gens se retournent vers ceux qui se prennent par derrière la main. Enfin, il est question dans la religion, et eux ils répondent avec ignorance. Ils s'égarent parce que ils égarent ceux qui les ont suivis. C'est le natija. Cette choubette-là, c'est afin d'égarer. D'égarer le mufti et d'égarer celui qui va prendre la fatwa de ce personne-là qui se prend pour le mufti et qui est sur l'ignorance. C'est une choubha qui est khatira. Parce que les adillas qui montrent l'obligation d'apprendre la science, elles sont mutakathira jiddan. Si un kadib, ça c'est vraiment ces personnes-là qui peuvent l'accepter, c'est ceux qui sont vraiment loin du ilm et des ulama. وإلا يعني الذي لا في ذلك هي معلومة قال هنا الله المستعان الحمد لله الذي هدانا قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان دكسا من الشيطان في الترك القرآن والسنة afin de délaisser le kitab et la sunna et de suivre الأراء les points de vue الأهواء les passions المتفرقة المختلفة parce que la passion indivise parce que le haq c'est lui qui rassemble أما la passion mais ce qui est en dehors du haq et c'est le hawa, il divise et il égare. Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ قَالَ وَهِيَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُنَّةِ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ Le Coran et la Sunna n'ont accès à la compréhension du kitab et la Sunna que le mujtahid al-mutlaq. Le mujtahid al-mutlaq, le mujtahid dans la religion, c'est celui qui يعني, est arrivé à un point où il peut se permettre de pouvoir يعني, déduire de lui-même. Et de comprendre yani, la religion par les intermédiaires par, comme la langue arabe, ou sur le fiqh, la connaissance dans le mustalah, afin de connaître ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, de connaître al-nasakh ou la mansukh, les choses qui sont abolies et pas, d'avoir une connaissance yani, fi ahkam al-ayah, les ayats qui sont muta'allaqa par Abu Ahkam yani, dans le fiqh, kazalika il a une connaissance globale à peu près des hadiths, il sait. Comment rechercher les hadiths, il y en a dans tel sujet, il a une connaissance de usul al-fiqh, ma'ani al-adilla, il connaît qu'est-ce que le ham, il connaît qu'est-ce que le mahsous, qu'est-ce que al-mutlaq, al-muqayyad, et ce genre de choses-là qui lui permet d'avoir une indépendance, yani. De pouvoir yani, comprendre les choses, ou bien de pouvoir savoir comment on en déduit ses ulama, c'est-à-dire que l'alim va faire un ijtihad, et ensuite il va exposer yani, comment on est arrivé à ce résultat-là. Et lui, il a les outils pour comprendre, yani, comment elle est arrivée à ce résultat-là. Enfin, ça demande, yani, d'avoir une connaissance dans ces choses-là, surtout, yani, dans Al-Mustalah, pour savoir qu'est-ce qui est authentique ou pas, ça c'est important. Kazalika, il faut qu'il comprenne la langue arabe, c'est sûr. Qu'il ait une connaissance de Sulfiq. Qu'il ait une connaissance du Coran. Même si jamais il n'a pas appris par Karlakim, il sait comment retrouver l'ayah dans Fikitab Allahi Azzawajal. Cheikh Al-Muqba, rahimahullah, c'est parmi les Al-Mustahidin. Et il est dit qu'il n'avait pas appris le Coran par cœur. Lakin, tu le voyais lorsqu'il prenait des sidlat bi kitabillah azawajal, mashallah, il connaissait yani, beaucoup les ayahs. Il connaissait bien le Coran, en tout cas. Il savait comment sortir les dalils du kitab et la sunnah. Surtout du kitab, yani, malgré qu'il ne le connaissait pas par cœur. Donc, ce n'est pas forcément qu'il connaisse par cœur, lakin, qu'il sache yani, comment les retrouver ces ayahs-là qui sont relatifs à un sujet et à un tel sujet. Pareil par rapport à la sunnah. Eux, ils vont te dire peut-être que le mujtahid al-mutlaq, c'est celui qui connaît tous les hadiths. Qui connaît le Bukhari, qui connaît le Muslim, qui connaît le Sunan al-Arba'a, qui connaît le Darimi, yani, il faut que tu connaisses tous les hadiths. Ça, c'est impossible. Abu Bakr wa Omar, yani, ça ne dépassait pas 2000 hadiths. Malgré cela, c'est yani, A'lam al-Umma. Ce sont les plus, comment ça s'appelle, ceux qui avaient le plus de science yani, dans cette religion-là, dans cette communauté-là. Donc ils vont venir avec des shubhat pour devenir un alim, il faut connaître tous les hadiths. Il faut les connaître par cœur. Il faut connaître le Coran et toutes les récitations du Coran. Il faut connaître, yani, par cœur, tous les sujets dont les ulama sont unanimes. Il va te ramener que du par cœur, mémorisé. Il va voir ça, on va juste lui montrer Mousnad et Imam Ahmed, il va abandonner, il va dire c'est pas pour moi. C'est trop long, c'est pas possible, il faut... Il faut 100 vies pour pouvoir ça. Il faut vivre 1000 siècles pour pouvoir atteindre le niveau des ulama. Donc, il va être découragé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Soit Allah Azza wa Jalla lui donne le tawfiq. C'est-à-dire qu'il va revenir un alim parmi les ulama, lakin le danger dans cela, c'est que si jamais il meurt, bah, qui sur revient? Tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un état de l'ilm, c'est important, parce que s'il meurt, comment tu fais? T'as rien fait, t'as pas appris la langue arabe, t'as pas appris le, comment, par rapport au mustalah, yani, comment connaître un hadith daif, un hadith qui est pas daif, t'as pas les connaissances de ma'ani, de adillah, min umum wa khusus wa mutlaq wa muqayyid wa nasikh wa mansukh, tu sais pas comment chercher, parce que mémoriser c'est une chose, là, qu'il savoir. Comment chercher, comment retrouver, yani, c'est adillah min kitab wa sunnah, t'as mis, c'est pas comment chercher, t'as si il meurt la alim, comment il fait? À qui il revient? C'est pour ça que Talab al-Ilm, c'est important, c'est une sécurité pour lui. On ne dit pas qu'il faut s'écarter des ulama, abadan. On a toujours besoin des ulama. Et c'est eux qui nous ont permis d'accéder à la science et de la comprendre. Lakin al-insan, katalika, il faut qu'il fasse l'effort de comprendre sa religion pour que, inshallah, Allah azzawajal, il le mette, yani, parmi les muallimin, les asatis, ou bien parmi les ulama. Parmi le muallim qui connaît dans un sujet bien précis, ou bien qu'il devient un mardir, une référence yani, dans la umma, dont yani, les gens reviennent à lui dans tous les sujets de la religion. Lorsqu'il dit al-mujtahid al-mutlaq, c'est-à-dire celui qui a une indépendance dans chaque matière de la religion. Parce que t'en as, ils sont mujtahid, mathalan, fil nahu. Ce sont des ulama, lakin, dans le nahu faqat, ama dans le fiqh, dans l'aqida, t'as mis au pas une grande connaissance. Ça, ils appellent al-ijtihad al-muqayyid. T'as mis qui restreint une matière. Ama al-mujtahid al-mutlaq, c'est am dans toute la religion. Comme les ulama, notre époque, comme Cheikh Al-Usaymin, c'était vraiment quelqu'un qui avait une science qui était large. Tu vois, il a des livres dans l'héritage, il a des livres dans Nahou, il a des livres dans le Balara, il y en a dans des matières où tu vois les autres ulama, ils n'ont pas de livres par rapport à cela. Dans le Balara, cite-moi un alim, il n'y a pas, parmi cette époque-là qu'ils ont écrit dedans. Dans Nahou, tu as mis des partout, Cheikh Al-Usaymin, tu le vois, dans toutes les, même dans le Mustalah, il a des explications. De Al-Bukhuniya et Kazalika de Al-Nuzha. C'était quelqu'un qui avait un ijtihad qui était mutlaq, c'est-à-dire dans chaque matière de la religion, il avait la science. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, ils disent Wal-Mujtahidu wa al-Masufu bikala wa kala, comme on a dit, il mémorise tous les hadiths, il mémorise tous les riwayas du Coran, il mémorise tout ceci, cela, yani, à la fin, yani, tu dis c'est pas possible. Qala awsafa la'allaha la tujad tammatan fi Abi Bakr wa Umar. Yani par des caractéristiques et des qualificatifs dont tu ne peux même pas tout ça se trouver chez Abu Bakr. Qala fa illam yakun insan kadhalika, si jamais c'est pas le cas, c'est-à-dire que il a pas ces qualificatifs là qu'ils ont prétendu. Qala falyu'rid anhuma, qui s'écarte anhuma, c'est-à-dire du kitab la sunna. Comme si jamais c'est pas le cas, dans ce cas-là, ils ne rentrent pas dans cette affaire-là de vouloir apprendre la religion. Parce que pour pouvoir apprendre la religion, il faut atteindre ce but-là, qui est d'apprendre tout le din, tous les adillah et toutes les riwayas et tout ce qu'ils peuvent évoquer. قَالَ فَلْيُعْرِدْ عَنْهُمَا فَرْدًا حَتْمًا, c'est-à-dire c'est wajib alayhi. C'est-à-dire que si jamais il s'immisce dans ces choses-là, il est afim. Ah, ça c'est des calls qui ne sont pas sahih, c'est pour fermer la porte à la religion. قَالَ فَلْيُعْرِدْ عَنْهُمَا فَرْدًا حَتْمًا لَا شَكْ. Voilà Ishkalafi. Il n'y a pas de doute qu'il doit s'écarter du kitab à la sunna et de suivre aveuglement. Qala man talaba, et ça il faut savoir qu'à taqlid, de suivre yani aveuglement, c'est-à-dire que c'est lorsque la personne n'a pas la possibilité de comprendre ou bien d'avoir accès à la mas'ala au sujet dont il veut. Dans ce cas-là, il doit revenir. Il doit revenir au alim. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Lakin si jamais le alim, il répond à la fatwa, c'est-à-dire qu'il prend la alim dont il a confiance. C'est-à-dire qu'on revient aux personnes, comme on a pu voir avec le troisième asl, on revient vers les ulama rabbaniyin, as-salihin, yani ceux qui ont les caractéristiques et les qualificatifs de al-alim, yani min al-sunnah. C'est pas n'importe qui. Donc on revient vers ces personnes-là, et si jamais ce alim-là, il a fait une fatwa, et dans sa fatwa-là, il a montré la preuve du kitab de la sunnah, ça s'appelle pas taqlid. Ça s'appelle pas un suivi aveugle, parce que là, il t'a donné la lumière, qui est le kitab à la sunna. Il t'a donné le dalil, c'est-à-dire que là, tu connais ce sujet-là, t'as la lumière, tu sais sur quoi est basé ce point de vue-là. Et toi, tu peux ensuite, inshallah, transmettre aussi cette lumière-là, qui est le kitab. C'est-à-dire que tu vas dire, le alim, il a dit qu'il fallait faire ceci, cela, parce qu'Allah, il a dit. Ça, c'est pas du suivi aveugle. Comme ça s'appelle suivre le kitab. Ah, mais si jamais le alim, comme ça peut arriver, et dans beaucoup de cas de figure, il répond à un sujet qui n'est pas très connu et il ne ramène pas la preuve, il y en a par rapport à cela, Enfin, si jamais tu le suis, ça s'appelle du taqlid. Lakin là, hona, c'est mubah. Parce que vaut mieux suivre quelqu'un dont il a les outils pour comprendre la religion que un jahil il fasse des efforts lui-même de compréhension, c'est-à-dire qu'il n'a même pas les outils pour avoir la, pour faire des interprétations et des déductions. Et si jamais il fait cela, il va faire des dégâts. Un rami qui veut commencer à vouloir ouvrir les couteaux dans le Moustalah et comprendre la religion, Nasser Mansour, il comprend pas la religion, il va essayer de faire une déduction, ça va être il va faire un désastre. Donc il y a un ami, il voit que aqal adara dans ce cas-là, c'est que tu reviennes au alim. Dans ce cas-là, c'est mon beurre. C'est un peu comme l'almeïta. Si jamais tu la trouves, l'almeïta, il y a juste que tu manges la bête qui est morte. Dans certains cas de figure, c'est possible si jamais tu es arrivé dans un cas d'arora. Et là, c'est le même cas. C'est un cas de nécessité. Il a besoin de que le alim lui donne une fatwa par rapport à cela. Lakin, il est bien de demander au alim la preuve, yani, min kitab et la sunna. Comme il a dit justement l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, par rapport à la ayah, fas'alu ahla zikri, in kuntum la ta'lamun. Fait, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de demander aux gens de science, au sujet de la science, et non pas sur leur point de vue. Fas'alu ahla zikr, et les gens du rappel, c'est-à-dire qu'on les demande par rapport au rappel, et pas par rapport à leur opinion et à leur point de vue. C'est-à-dire que l'insan, il ne faut pas qu'il yastahi, il ne faut pas avoir honte. Lorsqu'il demande, il y en a dans la religion, un alim, il demande aussi dalil. Il y a Fadilat Shir Kada Kada. Il demande le dalil. Si jamais il lui donne, fahada biha wa ni'ma. Si jamais il ne le donne pas, toi tu as fait ton devoir, c'est-à-dire de demander aux gens de science et demander le dalil de cette mas'ala-là. Ça c'est important. Afin d'être sur la lumière d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, si jamais lui s'est trompé par rapport à Al-Sidlal, ça revient à lui. Toi tu n'as pas le pouvoir de distinguer dans ce cas-là, donc toi tu as fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de revenir aux gens de science. نعم. قال فيعرض عنهما plutôt après il a dit ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون. Et celui qui va rechercher la guidée à travers le kitab et la sunna. تام قال من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق. زنديق c'est dire منافق. تام كافر يعني بمعنى. وإما مجنون quelqu'un qui a perdu la raison. قال لأجل صعوبة فهمهما. Parce que les deux, le kitab et la sunna, sont très difficiles à comprendre. Et ça c'est totalement faux. Parce que Nabi Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Le Coran c'est la science. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Yani le Coran. Si jamais tu suis leur passion après que la science te soit parvenue. Et le murad yani de la science c'est le Coran. C'est le Coran c'est la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre dans cette ayah-là que la science, elle est facilitée. Le Coran, il est facilité. C'est la base de toutes les sciences. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Lakin, est-ce que les gens sont là pour vouloir la facilité et vouloir le rappel? Après, se présenter, ça c'est une autre chose. Lakin, celui qui se présente, il va trouver que c'est facile. Il y a une facilité à comprendre le kitab et la sunnah. Une facilité à comprendre le kitab et la sunnah. Lakin, هَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent? Ça c'est une autre chose. نعم. قال فسبحان الله وبحمده يعني يتعجب يسبح الله سبحانه لأن هذا كذب في دين الله عز وجل. تمام. يسبح سبحانه وتعالى بما لا يليق بما قيل في دينه. تمام. يقول في الله سبحانه وتعالى des mensonges et des propos forgés sur sa religion. Que là, cette religion là c'est une religion de difficulté et l'akhir. قال فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وامرا في رد هذه الشبهة الملعونة. Allah a pourtant démontré à maintes reprises par des preuves, يعني يسلاسي, c'est-à-dire le kitab wa sunnah, comme on a pu le voir, لقد يسر القرآن ذكر فهل من مدكر. Cela montre يعني que la religion est accessible. قال وقدرا, c'est-à-dire في الواقع, c'est-à-dire par rapport au vécu, c'est-à-dire on voit qu'il y a des gens qui ont fait l'effort d'apprendre et qui sont devenus des ulama. Donc c'est pas inaccessible, c'est accessible parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant nous. قال وخلقا وامرا يعني قدرا في الحقيقه قدرا وخلقا ça rentre dans le même. Ça fait la même chose. وامرا ça rentre كذلك dans شرعا. C'est-à-dire que par les preuves qui sont واضح من كتاب et كذلك par rapport au واقع. في رد هذه الشبهه الملعونه من وجوه شتى. بلغت إلى حد الضرورية العامة. C'est-à-dire que c'est même pour réfuter cette qaïda-là, fait le haqiqa, t'as même pas besoin de ramener des preuves. Tellement c'est wadih. Tellement c'est un mensonge qui est wadih. Yani ça fait partie des choses qui sont connues auprès de tout le monde. Il a hadd darouriya, c'est-à-dire des choses qui sont tellement connues qu'il n'y a même pas de nécessité à regarder dans les hadilam et kitab wa sunnah. C'est comme le fait de savoir qu'Allah fi sama. Yani il n'y a même pas besoin de munaqasha fi dhalika. C'est wadihun jiddan. Kadaika qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. C'est wadihun jiddan. Yani la yunkar dhalika illa mustakbir wa mutakabir wa mu'anid. Comme Pharaon qui savait, mais lakin qu'ils ont caché cela au fond de eux-mêmes. قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون اي صح الحقيقه تمام l'accès au Coran et à la science à la compréhension du kitab à la sunna il est pas difficile lakin le problème c'est que la plupart des gens ne comprennent pas لا يعلمون تمام قال ولقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون et كذلك يعني c'est des personnes يعني lorsque tu vois les gens des personnes qui ont des égarements dans des sujets qui sont wadih kashams. Dans des sujets, tu te dis, mais comment c'est possible qu'il puisse y avoir une divergence? Ben, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu du bien à ces personnes-là. Allah azawajal, il a scellé leur cœur, leurs oreilles, ils n'entendent plus. C'est-à-dire, ils ont des oreilles, mais à qui ne servent à rien. Tam lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ula'ika kal an'am, bal hum adhal, ula'ika humul ghafirun. Ils ont des sens, il y en a qui servent à rien du tout. Alors, Allah azawajal, il a scellé leur cœur. قال لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون الله عز وجل a décrété في اللوح المحفوظ que ces personnes là feront partie des ashqiya des malheureux قال ان جعلنا في اعناقهم اغلالا comment il a traduit ça اغلال des carcans voilà pour trouver il fallait avoir bac plus 2 des carcans فهي الى الاثقان فهم مقمحون يعني qui vont jusqu'au menton, c'est-à-dire que leurs têtes sont dressées. يعني إشارة comme ces personnes-là n'ont pas fait des efforts pour baisser leurs yeux يعني sur le kitab la sunna pour connaître يعني la vérité. يعني c'est comme si il était hautain. Il n'a pas fait l'effort de regarder. Lorsqu'on lui présentait le kitab l'épreuve de kitab la sunna, il levait ses yeux, c'est-à-dire qu'il faisait comme si jamais il n'avait pas vu. فكذلك يوم القيامة يبعث. C'est ainsi qu'il sera récité Yom al-Qiyama. On va leur mettre fi al-a'naq, des carcans, comme on l'a dit d'Aghlal, c'est-à-dire des. Yani c'est comme des salasil qui fait qu'il ne pourra pas baisser la tête. Kama kana huwa. Qala, inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan, fahiya ila al-athqan, fahum muqmahun. Non, qala al-Baghawi, al-Muqmih, et al-Ladhi al-Muqmih, plutôt, al-Ladhi rafa'a ra'asahu wa ghadda basarah. C'est celui qui lève sa tête et qui détourne le regard. Lorsqu'on les expose, on leur présente le kitab et la sunna, il détourne le regard de ces preuves-là. Il sera récité avec ce genre de, sous ce genre d'aspect-là. قال إلى قوله تعالى فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. Il y a des personnes dont tu peux rien faire. Des personnes qui sont égarées, que même si jamais tu leur exposes les adillah qui sont wadihah dans des sujets, fil haqiqa, qui n'y a même pas besoin d'exposer le kitab et la sunna, eh bien, ils vont toujours y avoir du rinad et s'entêter dans ce qu'ils sont, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que ces personnes-là feront partie des ashqiyah, des personnes qui sont malheureuses. Comme ces personnes-là qui ont prétendu cette qaïda-là. Tamahada, ça peut sortir de la bouche d'une personne dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il ferait partie des malheureux. Que le kitab et la sunna, ils sont inaccessibles. Naam, summa qala, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa hakadha, tantahi alihi, arsala al-tayyiba al-qayyima al-mufida, l'imam Muhammad ibn Wahhab rahmahullahu ta'ala, wa jazahullahu khayran ani l'islam al-muslimin, kulla al-khayr. Fahidhi yasin mu'in arsala ki mufida jiddan. Tam ki mufi, yani certain de shubuha, qui peuvent être un rempart entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et kadhalika dukhul al-jannah, c'est important. C'est important de connaître les choses par lesquelles on rentre en jannah et kadhalika les choses qui peuvent nous mettre qui peuvent être un frein ou bien un rempart. Tamli dukhul al-jannah kama dhakaraha huna. Tilka al-usul sont muhimma. Fa kataba fi dhalika nasihatan lil-muslimin. فأجاد في ذلك هو رحمه الله تعالى نعم فسن رسالك مفيدك مهمة جدا وبذلك قد انتهينا والحمد لله رب العالمين صلى الله عز وجل نفعنا وياك بهذه الرسالة الماتعة نعم بارك الله فيك حفظك الله يا عبد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته